et fait un temps où je n'éprouvais aucun sentiment pour les autres, mis à part toi. Ton affection ne me laissait pas totalement indifférent, c'était une tendresse. Mais maintenant je me souviens de tes regards posés sur moi, tu n'es plus rien. Mais maintenant je me souviens de tes regards posés sur moi, car tu n'es rien. Je ne veux pas, non, je veux pas savoir ce que tu penses de moi, de mon refus. Je ne suis pas une croix facile qui se laisse aborder pour un oui ou pour un non. Mais maintenant je me souviens de tes regards posés sur moi, tu n'es plus rien. Mais maintenant je me souviens de tes regards posés sur moi, car tu n'es rien. La la la la la la la la la la la la la la la la. Tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, car tu n'es rien. Tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, car tu n'es rien. Tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, car tu n'es rien. Tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, car tu n'es rien. Tu n'es plus rien, tu n'es plus rien, sale.